Join me on RIG. Ne cherchez plus. Vous retrouvez sur RIG 90.7. Je suis au Stade Bordelais en direct et nous allons assister ce soir à la retransmission intégrale du concert de 2 heures prévu par John, Paul, Ringo et George au Stade Bordelais. Donc les affiches étaient posées il y a quelques jours. Le stade est plein, tant mieux. Je pense que tout va très très bien se passer. Là, ce ne sont pas eux, hein. C'est mon générique, mais version live volontaire parce que ça fait plaisir quand même d'avoir un petit live. Il y aura des invités. Je ne vous en parle pas, mais je suis au courant. Il y aura évidemment des chansons de la période Beatles chantées par les quatre, forcément, et des chansons des moments solo. Ça arrivera, ce sera bien, je pense, on va bien s'amuser. On est ensemble jusqu'à 22h, voire même un chouïa plus si ça déborde, parce que Eric n'est pas là ce soir, il m'avait averti. Donc, si ça dépasse, si on en met un petit peu plus, j'espère que vous resterez là. Vous nous retrouvez sur Facebook, dans le groupe La Saga des Fab Four. Et tout va très très bien se passer. Installez-vous, posez vos casques sur vos oreilles si vous avez des casques. Ou sinon, écoutez bien fort dans la voiture si vous êtes sur 90.7. Et profitez-en, c'est RIG 90.7 depuis 13-14 ans, je ne sais plus. C'est la station qui passe les Beatles tous les mercredis entre 20h et 22h. Et puis ça va continuer comme ça pendant assez longtemps, j'espère. Tout va très très bien se passer. Et si on commençait ? Oh non, on attend un peu, c'est bien ça. Allez, préparez-vous. Je pense que Paul, John, Ringo et George vont arriver dans une minute. Merci. À remercier la régie à Blancfort dans la radio qui met en vidéo, comme ça je leur dis que je vais parler, etc. Comme ça ils peuvent baisser la musique. C'est sympa. Ça se passe comme ça depuis quelques fois quand il y a des concerts et on aime beaucoup vous retransmettre en exclusivité pour RIG les concerts des Fab Four, John, Paul, Ringo et George. Les voici. Ça y est, le public est en train d'être complètement fou. Ils rentrent sur scène et ne sont pas seuls. Il y a Bono et le groupe U2. Bien, on commence bien, dites-moi. Que va-t-il se passer ? Forcément, Sgt Pepper, Lonely Hearts Club Band, Paul McCartney, les Beatles et U2. We'll be right back. On attaque le concert avec Sgt Pepper Lonely Hearts Club Band. C'est plutôt drôlement bien, quelle bonne idée. Installez-vous, ça n'est pas fini, le concert commence juste. Vous êtes en direct sur RIG 90.7. Paul est au piano. The long and winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before. Paul enchaîne avant même de se présenter avec ses acolytes. Bon, on les connaît de toute façon, mais pour l'instant, donc, Drive My Car, c'est ce qui va arriver parce que j'étais au courant et on a eu The Long and Winding Road il y a quelques secondes, mais vous le saviez. beaucoup aimé. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais Yes, I'm Gonna Be a Star, il a dit One Day. Oui, je pense que ça fait quelques années que c'est une star. Alors je baisse le volume parce que Paul est en train de parler et je vais essayer de traduire. Il dit « Il y a des années de cela, mais très très longtemps, dans une autre vie, j'ai été en colère un petit peu contre mon ami John Lennon et j'ai même écrit une chanson qui était une tentative de dire « Bon, mais t'es mon meilleur copain, donc qu'on soit de nouveaux copains, quoi, ce serait bien. » Et donc c'est la chanson qui suit. Vous aurez reconnu ce beau blues « Best Friends » sur RG, « Best Friend » tout court. On va faire une chanson de plus et après on va marquer une pause. Vous aussi. Voici The Mess sur RG. Toujours Paul McCartney en lead vocal. Yeah. le micro pour vous dire que vous êtes bien sur RIG 90.7, que c'est la saga des Fab Four numéro 422. C'est en direct et nous sommes au Stade Bordelais où nous retransmettons le concert de John, Paul, Ringo et George en live, oui, à Bordeaux. Et c'est bien pour l'instant. Nous avons écouté Sgt Pepper avec le groupe U2 qui sont retirés sur la pointe des pieds. Il y a eu The Long and Winding Road, Drive My Car, Best Friend, The Mess à l'instant. Et Paul vient de présenter John, Ringo et George, et ils se sont auto-congratulés pour dire comment ça va, ça fait un moment qu'on s'est pas vu et tout ça, et ils ont dit que dans quelques instants ils vont faire un bon passage de chansons qui datent d'il y a très très longtemps, a dit Paul. Donc ça me donne l'occasion de vous parler de Beatles Magazine, qui est le site qu'il vous faut connaître, puisqu'il y a des millions de vues chaque jour sur ce site là et c'est géré par Lovely Rita. Lovely Rita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez, comme moi, tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, les tournées de Paul, celles de Ringo, eh bien allez vous renseigner sur BeatlesMagazineUK.com. Vous y retrouverez toutes les infos, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et même une petite rubrique géniale sur laquelle il y a ce que, en tout cas, Lovely Rita connaît, les animateurs radio qui font des émissions dans le monde sur les Beatles. Et nous y sommes à la saga des Fab Four. Donc, allez vous renseigner sur Facebook, sur Google, sur Twitter et sur d'autres plateformes. BeatlesMagazineUK.com, c'est tous les jours et c'est drôlement bien. Merci, Lovely Rita. Chapeau, juste à temps, bravo la réalisation. You'll never know. Do you want to know a secret en live sur RIG? Listen, do you want to know a secret? Do you promise not to tell? Whoa, whoa, closer. Let me whisper in your ear. Say the words you long to hear. s'enchaîne. Voici I've Got a Feeling sur la RG. Il y a quelques instants, c'était Do You Want to Know a Secret et Please Please Me en live. I've got a feeling, a feeling deep inside. Oh! nous en donner un petit peu plus, Paul McCartney, dans ce morceau-là. I've Got a Feeling, morceau des Beatles, forcément. On continue, c'est sur RIG 90.7, c'est le concert de John, Paul, Ringo et George. Carnet très en forme qui n'a pas envie d'arrêter la chanson. I'll Follow the Sun version longue par Paul. Et là, c'est George qui chante Chains. to be true and help me understand. 'Cause I've been in love before and I found that love was more than just holding hands. If I give my heart to you, I must be sure from the very start that you would love me more than her. If I trust in you, oh please don't run and hide. If I love you too, oh please don't hurt my pride like her. 'Cause I couldn't stand the pain and I would be sad. He's a real je reprends le micro et je demande à la technique d'essayer si possible de faire un effort parce que là depuis une chanson à peu près un peu plus, le son est assez désagréable je crois à l'antenne. Alors si on peut essayer d'améliorer ça, ce serait très très bien. Vous êtes dans la saga des Fab Four numéro 422. On retransmet l'intégralité du concert de John, Paul, Ringo, George ici au Stade Bordelais. C'est exclusif. Vous voulez savoir ce que vous avez entendu depuis tout à l'heure? Je veux bien. Il y a eu toute une période Beatles. Il y a eu Do You Want to Know a Secret? Please, Please Me. I've Got a Feeling. I'll Follow the Sun. Chains. If I Fell. Et Nowhere Man à l'instant. Et ça n'est pas fini puisqu'il y a encore d'autres chansons à venir sur les Beatles. Ils s'enchaînent. Ils y vont à fond, les quatre. Et j'adore ça. Ça, c'est Don't Let Me Down sur RG. Don't let me down. Le son est redevenu meilleur. Merci la technique. She does. Ooh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she does, ooh, she does. Yes, she does. The first time, don't you know it's gonna last? It's a love that lasts forever. It's a love that has no past. Don't let me down. Blue jay go. Yes, she does. Yes, she does. I guess nobody ever really done me. Yes, she done me. She done me good. a terminé la version des Beatles. C'était très très très bien, merci. Paul dit maintenant qu'il va laisser la place un petit peu à ses acolytes, alias George, John et également bah, peut-être Ringo, on ne sait jamais. Et c'est George qui va reprendre le lead avec une chanson, dit-il, qui date d'il y a très très longtemps quand les Beatles venaient à peine de se séparer. Ah, on n'entend plus le son ? Oui, My Sweet Lord, ça y est. Hare Krishna. Really wanna know you. save some lives. George Harrison part deux fois, d'abord avec My Sweet Lord et puis Bangladesh. Morceau bien réussi qui a bien remué la foule ici à Bordeaux, puisqu'on vous retransmet en direct le concert de John, Paul, Ringo et George sur RIG 90.7, qui est bien entendu toute l'année de septembre jusqu'en juin, qui est la radio des Beatles. Maintenant c'est John qui va intervenir au piano. Il s'est mis au piano pour un titre, je ne sais pas lequel. Enfin, en fait, si, je sais, parce que j'ai la playlist. Mais je ne la regarde pas. Et on va voir ce que ça donne. John, quand tu veux. Instant Karma. Cause the karma's gonna get you. Gonna knock you right in the head. You better get yourself together. Pretty soon you're gonna be dead. Face of love. What on earth you trying to do? It's up to you.

aujourd'hui 11 septembre, on aurait bien besoin de cette chanson-là. Imagine que tout le monde soit en paix, ce serait bien. Rock'n'roll avec Paul McCartney, c'est Lucille sur R.I.G. Je l'ai reconnu. R.I.G. 90.7, c'est la radio des Beatles. Vous êtes en direct avec la saga des Fab Four numéro 422. Let it be.

McCartney vient de dire. Allez, maintenant à toi, Ringo. Donc, dans quelques secondes, Ringo se met en place et qui va nous chanter une chanson. Laquelle ? It Don't Come Easy sur RIG. RIG, la radio des Beatles. In case anybody forgot.

picking up on the bus. No thank you please, it only makes me sneeze. Then it makes me hard to find it. Well I said no, no, no, no, I can't take it no more. I'm tired of waking up on the floor. No thank you please, it only makes me sneeze. Chanson bien sympathique sortie à l'époque en 1974 et la reprise en live par Ringo Starr, c'était très très bien. Ringo dit je laisse la place à George pour une autre chanson et c'est Old Brown Shoe sur RG 90.7, c'est la radio des Beatles. Listen for your footsteps coming up the drive. Listen for your footsteps, but they don't arrive. Waiting for your knock, dear, on my old front door. I don't hear it. Does it mean you don't love me anymore? Come on.

Thank you. Oh, you're a grand bunch tonight. Thank you. Cette version également de We Can Work It Out, Paul McCartney en lead, et ça n'est pas fini. Voici Lady Madonna, on accélère sur RG, c'est la saga des Fab Four numéro 422. Lady Madonna, you're looking at your feet, wonders how you manage to make ends meet, to find the money when you pay the rent. Did you know the money won't ever send? Sunday morning creeping like a nun. Monday's child has learned to tie his bootleg. See how they run. Quelle fin de concert extraordinaire! Est-ce qu'on va s'arrêter là? Apparemment, non. Alors, merci d'avoir écouté cette saga des Fab Four spéciale live. Je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures. Restez, parce que en ce jour spécial, je vous ai réservé un petit truc juste après, puisqu'on est le 11 septembre, et vous allez voir, c'est tout à fait mérité. À très bientôt, merci d'avoir écouté cette édition de la saga des Fab Four, et restez bien sur RG, tout va très très bien. Bonne semaine, à bientôt, ciao, c'était Thierry Gallet pour la saga des Fab Four numéro 422. La semaine prochaine, ce sera Ringo Starr à l'honneur, je le sais déjà. Bonne soirée, bonne nuit. J'avais prévu, comme aujourd'hui 11 septembre, les 18 ans de l'attentat que tout le monde a en mémoire. Donc une chanson qui n'est pas Imagine, mais qui est quand même l'esprit des Beatles, chantée par une pléiade d'artistes pour dire qu'il faudrait que tout le monde s'aime, ce serait très très bien. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy.